Le monde a été dominé par le pouvoir maléfique de Staline. 9h du matin, les élus du peuple, les députés du Soviet suprême de l'URSS convergent vers la place rouge. I wish I could, Doc, but 5 years in China is a long time. Ursula Kuczynski, nom de code Sonia, fut sans nul doute la plus grande espionne de l'ex-Union soviétique. Une des rares à accéder au rang prestigieux d'officier de l'armée rouge. Pendant plus de 20 ans, dans les années 1930-1940, cette Allemande, communiste convaincue, espionna aux ordres de Moscou. Des missions toujours dangereuses qui l'ont conduite à Shanghai en pleine guerre civile chinoise, dans la Mandchourie occupée par les Japonais, en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale, en Grande-Bretagne enfin, où pendant la guerre froide, sous l'apparence d'une respectable mère de famille, elle n'a cessé depuis son cottage de transmettre des renseignements à Moscou. Plusieurs fois mariée, mère de 3 enfants, tous de pères différents, cette femme passionnée, accro au secret comme à une drogue, a réussi l'exploit de concilier sa vie de famille et sa vie d'espionne grâce à un habile talent du compartimentage, mais souvent au prix de vertigineuses contorsions. Ce statut de mère de famille, par définition inoffensive, fut aussi une excellente couverture, lui permettant plus d'une fois d'échapper à la surveillance de ses ennemis. Son plus haut fait d'armes qui a changé le cours de l'histoire, c'est elle qui, de 1942 à 1943, a transmis à Staline les secrets de la fabrication de l'arme atomique. À tel point qu'en 1949, l'Union soviétique provoqua la stupeur dans le monde entier. L'URSS a la bombe. La nouvelle est maintenant officielle. Hiroshima, Nagasaki. Puissent ces noms rappeler au gouvernement leur terrible responsabilité au moment où le problème nucléaire, échappant au contrôle d'une seule nation, atteint véritablement à l'échelle mondiale. Par miracle, Ursula Kuczynski échappa plus d'une fois à l'arrestation ou à la mort, contrairement à la plupart de ses camarades, qui furent soit démasqués par l'ennemi, soit exécutés par leur propre camp, d'une balle dans la tête ou déportés au goulag. En 1950, au moment où elle a senti que l'étau allait se refermer sur elle, Ursula Kuczynski réussit in extremis à fuir l'Angleterre et à se réfugier en République démocratique allemande. C'est là qu'elle finira sa vie, transformée en icône de la Stasi et du régime mortifère de l'ex-Allemagne de l'Est. Pour comprendre l'engagement de cette femme qui jusqu'au bout n'a jamais dévié de sa ligne, il faut remonter au tout début du XXe siècle. Ursula Kuczynski est née en 1907 dans une famille aisée de la bourgeoisie juive de Berlin. Son père, un éminent professeur d'économie, et sa mère, qui est peintre, appartiennent à l'intelligentsia de gauche et ne doutent pas que la révolution, qui a éclaté en Russie en 1917, s'étendra bientôt au monde entier. Rien d'étonnant donc à ce qu'Ursula et ses frères et sœurs emboîtent le pas de leurs parents. Mais en fille têtue et indisciplinée, Ursula, qui dévore la littérature révolutionnaire, n'attend pas leur permission pour s'engager à 17 ans aux Jeunesses communistes et à 19 au KPD, le Parti communiste allemand. Dans les années 1920 en Allemagne, les heurts sont fréquents et très violents entre les forces de police, les communistes et bientôt les nazis. Mais Ursula n'a pas peur de la bagarre. Grande, cheveux noirs, un long nez, elle n'est pas exactement belle, mais élégante et pleine de charme, avec sa casquette d'ouvrier sur la tête et son rire sonore. Surnommée la toupie par ses camarades, Ursula est la première à virevolter en tête de cortège, une pancarte à la main, en hurlant des slogans et des chants révolutionnaires. La révolution socialiste est au coin de la rue, en Allemagne. Le communisme rendra les gens plus heureux et meilleurs. De ses années d'initiation, où elle apprend aussi à tirer au revolver, elle adore ça, Ursula gardera toute sa vie une conviction communiste chevillée au corps et un goût certain pour le risque. Mais ses parents ont beau être de gauche, ils rêvent pour elle d'un destin plus tranquille. Ils envoient leur fille un an aux États-Unis et à son retour, lui trouvent un emploi dans une librairie où elle va s'ennuyer à mourir. C'est à cette époque qu'Ursula rencontre Rudy Hamburger, l'homme de sa vie, du moins le croit-elle. En réalité, il y en aura d'autres. Ursula et Rudy s'aiment, partagent les mêmes convictions, lui en plus modéré, et ils se marient en octobre 1929. Octobre 1929, le mois du terrible krach boursier à Wall Street et le début d'une longue crise économique qui touche de plein fouet l'Allemagne. La panique s'est emparée du peuple allemand dès que les journaux ont annoncé la véritable situation du pays, incapable de faire face à ses engagements. Les épargnants se sont rués vers les banques pour en retirer les dépôts qu'ils leur avaient confiés. L'année suivante, alors que le pays compte 5 millions de chômeurs, le parti nazi, créé 9 ans plus tôt par Adolf Hitler, rafle près de 20% des voix aux élections législatives. Une ascension qui, on le sait, sera irrésistible. Mais Ursula ne sera pas en Allemagne pour assister à la victoire d'Hitler en 1933. Rudy, qui est architecte, obtient un contrat intéressant à l'autre bout du monde, à Shanghai, la capitale économique chinoise. Ursula est très excitée à l'idée de découvrir la Chine, alors en proie à une guerre civile sanglante entre nationalistes et communistes. En juillet 1930, Ursula et Rudy quittent Berlin pour Moscou, d'où ils embarquent sur le Transsibérien pour un interminable voyage à travers les forêts de la Sibérie. En Mandchourie, ils prennent un autre train et c'est finalement en bateau, à travers la mer Jaune, qu'ils vont atteindre Shanghai. Tandis que le navire pénètre dans le port de l'immense ville chinoise, Ursula Kuczynski ne peut imaginer qu'une page décisive de sa vie va se jouer ici. Car c'est à Shanghai qu'elle va devenir espionne. Dans les années 1930, Shanghai, surnommée la putain de l'Orient, fascine les Occidentaux. Dans le Lotus bleu, Tintin, avec l'aide d'une société secrète, cherche à démanteler le trafic d'opium qui sévit à Shanghai. Au cinéma, Marlène Dietrich incarne la femme fatale de Shanghai Express, dans cette capitale du jeu et du vice. I haven't seen you in a long time. Have you thought of me much, Doc? Let's see, exactly how long has it been? I've covered every little highway, and I've been climbing every hill. I've been looking high, and I've been looking low, looking for my Shanghai Lil. Au-delà du fantasme exotique, quand Ursula Kuczynski débarque à Shanghai, deux mondes s'y côtoient sans se connaître. La masse des Chinois qui vivent et travaillent dans la misère et la communauté des étrangers. Diplomates, banquiers, trafiquants, prostituées et aventuriers en tout genre, venus y faire des affaires plus ou moins honnêtes. Dans le contexte de la guerre civile chinoise, Shanghai est aussi une capitale de l'espionnage. Les nationalistes de Chiang Kai-shek traquent sans merci les communistes qui, eux-mêmes, soutenus par les services secrets soviétiques, espionnent leurs ennemis. Heureuse nouvelle pour Ursula, elle attend un enfant. Ce qui n'empêche pas l'ex-militante communiste de s'ennuyer dans son nouveau rôle d'épouse coloniale désœuvrée. Mais une rencontre va changer sa vie. Elle ignore à quel point. Agnès Medley est une romancière américaine, correspondante de presse à Shanghai. Un personnage haut en couleur, passionné et excentrique, bisexuel, qui exerce immédiatement une grande attraction sur Ursula. Les deux femmes qui partagent les mêmes idées politiques sont vite inséparables. Mais Agnès Medley a un secret. Elle, qui garde en permanence un pistolet dans son sac à main, est en réalité une espionne travaillant pour l'Union soviétique. Quand Ursula révèle à son amie son désir d'aider les communistes chinois, Agnès Medley demande à Moscou si elle peut recruter la jeune Allemande. Quelques semaines plus tard, Agnès annonce à Ursula, enceinte maintenant de 6 mois, qu'elle a organisé pour elle un rendez-vous avec un ami. L'ami qui se présente à Ursula, elle l'ignore, s'appelle de son vrai nom Richard Sorge. Officiellement, il est journaliste. En réalité, il dirige un important réseau d'espionnage soviétique en Extrême-Orient. Sans aucun doute, il est l'espion le plus talentueux de Staline. Comme Ursula, Richard Sorge, 30 ans, est allemand. Cet homme, très beau, qui sait user de son charme, notamment auprès des femmes, est aussi un personnage trouble. Engagé à 18 ans dans la Première Guerre mondiale, Sorge en gardera le boitement d'une jambe et une main mutilée. Mais surtout, un ressentiment tenace, un fort penchant pour l'alcool et la conviction que seul le communisme pourra venir à bout des guerres et du fascisme. À sa demande, Ursula accueille chez elle des réunions clandestines. Qui se douterait que des communistes chinois se retrouvent dans la demeure d'une bourgeoise allemande, enceinte jusqu'aux dents de surcroît. Elle accepte aussi de cacher les armes. Tout cela à l'insu de son mari Rudy. En agissant ainsi, Ursula le sait, elle met en danger sa vie, celle de son époux et bientôt celle de son bébé. Car la naissance de son fils Michael en 1931 ne freine pas la jeune espionne. Sa double vie est également amoureuse, puisque Kuczynski et Sorge sont désormais amants. À Shanghai, les troupes japonaises s'emparent des dernières positions chinoises. En 1932, alors que la Chine est affaiblie par sa guerre civile, le Japon, qui cherche à étendre son empire, attaque Shanghai. Pour répondre à l'inquiétude de Moscou d'une possible mainmise nippone sur la Chine, Richard envoie Ursula enquêter sur le champ de bataille. Son rapport vaudra à la jeune espionne une forte reconnaissance de Sorge. En même temps, Ursula suit avec inquiétude les événements en Allemagne, où la République de Weimar vit ses dernières heures. Gebildete, Wissende und Unwissende, Sie sind da. En 1933, après la victoire d'Hitler, Ursula comprend qu'elle n'a plus de maison où elle pourrait se réfugier. Sa seule patrie désormais est le communisme. Quant à sa famille, elle réussira à fuir l'Allemagne et à se réfugier en Angleterre. Mais à Shanghai également, la menace se rapproche d'Ursula Kuczynski. Plusieurs membres de son réseau ont été arrêtés et ont parlé. Par sécurité, sur ordre de Moscou, Richard Sorge est exfiltré de Chine pour le plus grand malheur d'Ursula, qui perd son grand amour. Elle l'ignore, elle ne le reverra jamais. Elle reçoit l'ordre de se rendre à Moscou pour suivre une formation intensive aux techniques d'espionnage. Mais Ursula n'a pas le droit d'emmener son fils, âgé maintenant de 2 ans. En vivant à Moscou, il pourrait apprendre le russe et risquerait plus tard de parler cette langue au mauvais moment et ainsi de compromettre sa mère. Elle se résout donc à confier son fils à ses beaux-parents. Quant à son mari, Ursula a bien été obligée de lui révéler son activité de renseignement. À la fin des années 1990, peu de temps avant sa mort, Ursula Kuczynski, interviewée par la journaliste allemande Sabine Mieder, se souviendra de ce moment. Quand mon mari l'a su, il s'y opposa avec véhémence. Il m'a dit « Tu ne sembles pas avoir la moindre idée de ce que ça veut dire pour une mère d'avoir un enfant ». J'ai à peine répondu. Et puis, je l'ai fait quand même. Rudy, conscient que son couple va mal et que son épouse ne changera pas d'avis, il se résout à la laisser partir. Le 18 mai 1933, Ursula embarque sur un cargo en direction de Vladivostok, ce port russe d'Extrême-Orient, d'où elle prendra le transsibérien pour Moscou. Une nouvelle aventure commence. Au centre de formation, en pleine forêt au sud de Moscou, elle apprend tout ce qu'un espion soviétique doit savoir. Le marxisme-léninisme, le maniement des armes et des explosifs et la transmission radio. Eh bien, nous avons appris à construire un émetteur, un primitif, mais au moins un émetteur qui pourrait atteindre Moscou de presque n'importe où, et nous avons appris à transmettre. J'étais bonne en radio, mauvaise en construction d'émetteurs. Ça s'est passé comme ça. Au bout de 6 mois, l'agent Sonia, c'est désormais son nom de code, signe un contrat où elle s'engage à vie et qui précise que toute trahison sera punie de mort. Des mots qui, pour le NKVD, le futur KGB, ne sont pas que des mots. Beaucoup de proches camarades d'Ursula, accusés à tort de trahison, en feront la tragique expérience. Au printemps 1934, Ursula est envoyée en Mandchourie. Ce vaste territoire au nord-est de la Chine, occupé depuis 1931 par les Japonais. La réponse du Japon à la dépression économique, c'est la guerre. D'abord l'invasion de la Mandchourie, puis celle de la Chine. Avec peu de ressources naturelles et une population qui augmente, le Japon a décidé d'agir par la force. Moscou s'inquiète en effet de l'expansionnisme japonais qui menace la frontière orientale de l'URSS. Cette fois-ci, Ursula a le droit d'emmener son fils. Avec dans sa malle un émetteur radio en pièces détachées, Ursula part accompagnée également de son officier supérieur, un certain Johann Patra, un fils d'ouvrier originaire de Lituanie. Un grand blond, communiste convaincu, dont Ursula ne tarde pas à faire son amant. Le jour, tout en s'occupant de son fils, l'espionne en Mandchourie fabrique pour la résistance communiste des explosifs qui serviront au sabotage des usines et des chemins de fer japonais. Et la nuit, derrière les volets clos, elle envoie avec son émetteur des messages codés à Moscou. Ursula est montée elle-même sur le toit de sa maison pour y installer l'antenne à l'aide de cordes et de tiges de bambou. L'hiver, les nuits sont froides en Mandchourie. Je m'asseyais devant l'émetteur, emmitouflée dans des couvertures avec des mitaines pour empêcher mes mains de trembler. Michael dormait profondément dans la pièce d'à côté. Pendant que j'envoyais mes messages à Vladivostok, au-dessus de ma tête, j'entendais les avions japonais qui circulaient en rond dans le ciel. Un jour peut-être, ils réussiront à me localiser. Ursula le sait, si Johan et elle sont repérés, la terrible Kenpei Tai, sorte de Gestapo japonaise, sera sans pitié. Ils seront exécutés, et le petit Michael abandonné dans un pays hostile. Ursula apprend donc à vivre avec la peur et à dormir avec des somnifères. Le danger est réel. En avril 1935, Moscou envoie à Ursula l'ordre de quitter immédiatement la Mandchourie. Un membre du réseau a été arrêté et risque de parler. C'est la fin de la mission, mais aussi celle d'une idylle. Car l'étonnant couple avec enfants que les deux espions formaient doit soudain se défaire. En partant, Johann Patra, en réalité très épris d'Ursula, lui promet qu'un jour ils se reverront et se marieront. Sur le quai de la gare, quand finalement ils se séparent, Ursula est émue elle aussi. Mais elle le quitte sans lui révéler une importante nouvelle. Elle est enceinte. Pendant 3 ans, Ursula Kuczynski va vivre et continuer son travail en Pologne, avec son mari Rudy, désormais acquis à la cause, et leurs 2 enfants, Michael et la petite Nina, que Rudy, à sa naissance, a accepté de reconnaître. En Europe, la menace d'une guerre menée par Hitler se fait chaque jour plus pressante. Mais Staline, au lieu de réunir ses forces, préfère les dilapider dans des purges paranoïaques à grande échelle. En 1937-1938, pendant la Grande Terreur, plus de 700 000 citoyens soviétiques sont condamnés à mort et 800 000 autres, ennemis du peuple, envoyés au goulag. Même les espions sont considérés comme suspects. Étonnamment, Ursula y échappe. En 1937, elle assiste aux fêtes du 1er mai sur la place Rouge à Moscou. Moscou célèbre la fête du 1er mai. Le matin, la parade militaire traditionnelle se déroule sur la place Rouge en présence des membres du gouvernement, du grand état-major et du corps diplomatique. L'après-midi est consacré aux réjouissances populaires. et au Kremlin, l'espionne se voit remettre la médaille de la bannière rouge, la plus haute décoration militaire soviétique. En 1938, l'URSS, qui a besoin de renseignements militaires sur l'Allemagne, envoie Ursula en Suisse. Le jour, dans sa maison près du lac Léman, Ursula vit à la perfection sa vie de mère de famille et de juive allemande exilée. La nuit, avec son émetteur caché dans une armoire, elle redevient espionne. Et pour la première fois, on lui demande de créer un réseau d'agents capables de s'infiltrer en Allemagne. Pour cela, elle demande à Moscou de lui envoyer des communistes anglais ayant combattu courageusement en Espagne dans les brigades internationales. Un jour, devant la poste centrale de Genève, Ursula a rendez-vous avec l'un d'eux. Soudain, elle l'aperçoit. L'homme, en signe de reconnaissance, porte une ceinture à la main. Elle, un filet à provisions contenant une orange. Pardon, monsieur. Où avez-vous acheté votre ceinture ? Je l'ai achetée chez un quincaillier, à Paris. Et une orange comme la vôtre, je peux en acheter ? Oui, vous pouvez en avoir une pour un penny. La nouvelle recrue est un Anglais. Il s'appelle Alexander Foot. Bientôt suivi d'un autre Anglais en janvier 1939. Avec un scénario quasiment identique, seule la pomme a remplacé l'orange. Lui s'appelle Len Burton, communiste et fils d'ouvrier. Et, détail qui aura son importance, dès le premier regard, Len, qui n'a que 25 ans, tombe fou amoureux d'Ursula. Les deux Anglais, Alex et Len, après une formation accélérée, se voient confier leur mission, partir plusieurs mois en Allemagne pour espionner les usines BMW et IG Farben, deux entreprises vitales à la machine de guerre nazie. Un jour du printemps 1939, alors qu'Alexander et Len sont attablés dans une brasserie bavaroise, les deux espions soudain n'en croient pas leurs yeux. Adolf Hitler en personne qui entre pour déjeuner. De retour en Suisse, Len Burton, qui n'a peur de rien, se met en tête de monter un attentat à la bombe contre le Führer. Ursula, très excitée par ce plan, en informe Moscou, qui donne son accord. Mais un événement vient bouleverser la donne. Plus question d'assassiner Hitler. Le 23 août 1939, à la surprise générale, Staline pactise avec Hitler. Soudain, coup de théâtre. La presse allemande annonce la signature d'un pacte germano-russe. Quelques heures plus tard, M. von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du Reich, prend l'avion à destination de Moscou. Ainsi, tandis qu'elle poursuivait avec la France et l'Angleterre des négociations pour la constitution d'un fonds de la paix, l'URSS négociait secrètement et concluait un pacte avec le Reich. Rendu public au moment même où l'agression allemande paraissait imminente, ce stupéfiant volte-face portait un coup très dur à la cause de la paix en donnant à l'Allemagne un encouragement à sa politique de violence. Comme beaucoup de communistes, Ursula Kuczynski est effondrée. Hitler, qui persécute les juifs et les communistes. Comment Staline a-t-il pu signer avec lui ce pacte, à ses yeux contre nature, ce pacte qui, quelques jours plus tard, le 1er septembre 1939, permettra à Hitler d'attaquer en toute tranquillité la Pologne. Mais Ursula préfère ne pas voir. Si Staline agit ainsi, se dit-elle, c'est qu'il a de bonnes raisons de le faire, incompréhensible aux communistes de base. Dès le lendemain du pacte germano-soviétique, Ursula reçoit ce message de Moscou. Interrompez toutes vos activités contre l'Allemagne. Retirez tous vos agents en résidence encore en place. En urgence, Ursula donc fait revenir Alex et Len d'Allemagne. Mais maintenant que l'Europe est en guerre, la situation en Suisse, pourtant neutre, est critique pour les étrangers, surveillée de près par la police helvétique. Il faut partir. Ursula souhaiterait rejoindre sa famille exilée en Angleterre. Mais comment ? En tant que citoyenne allemande, elle est indésirable en Grande-Bretagne. Elle a alors une idée. Pourquoi ne pas conclure un mariage blanc avec Alex ou avec Len, qui sont anglais ? Problème, Ursula est toujours mariée avec Rudy. Qu'à cela ne tienne, elle demande le divorce en inventant une affaire d'adultère au tort du pauvre Rudy, ce mari qu'il a toujours soutenu au point de reconnaître un enfant qui n'était pas le sien. Mais comme toujours, Ursula, pragmatique, fait passer la cause devant les considérations personnelles. Elle obtient son divorce et le mariage avec Len Burton est célébré à Genève le 23 février 1940, le jour anniversaire de la création de l'Armée rouge. Une évidence pour le mariage blanc de deux espions soviétiques. Fais-moi confiance, Len. Nous divorcerons dès que tu me le demanderas. En réalité, le mariage n'a rien de blanc, car Len et Ursula sont amoureux l'un de l'autre. Il n'empêche, dès le lendemain, Ursula Kuczynski, maintenant épouse Burton, demande son passeport britannique. En décembre 1940, la petite famille quitte la Suisse pour l'Angleterre. À son arrivée, Ursula découvre un pays chaque jour bombardé, mais tout entier dressé contre Hitler. L'espionne soviétique se trouve dans une situation pour le moins ambiguë. Alors que l'URSS pactise avec les nazis, elle vit en sécurité dans le pays qui tout seul se bat contre l'Allemagne. Mais le 22 juin 1941, c'est avec inquiétude mais aussi soulagement qu'elle apprend la nouvelle. Le camarade Molotov, ministre des Affaires étrangères de Staline, prend la parole à la radio de Moscou. Citoyens et citoyennes de l'Union soviétique, le camarade Staline m'a demandé de faire la déclaration suivante. Aujourd'hui, à 4 heures du matin, sans déclaration de guerre, l'armée allemande a attaqué notre pays, a attaqué notre frontière à plusieurs endroits. Германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах. L'URSS est attaquée par Hitler, mais au moins maintenant, elle est l'alliée de la Grande-Bretagne. Pourtant, il y a un domaine dans lequel Winston Churchill, le premier ministre britannique, ne compte en aucun cas collaborer avec Staline, c'est celui de la recherche atomique. En 1940, à l'université de Birmingham, deux physiciens ont rédigé un rapport secret qui, pour la première fois, donne le mode d'emploi de la fabrication d'une bombe atomique. Redoutant d'être doublés par les chercheurs nazis, ils informent le gouvernement de Londres de l'urgence de fabriquer la bombe. Pour lancer ce projet industriel de recherche, un organisme est créé, au nom volontairement anodin, Tube Alloys, littéralement tube d'alliage. Un programme ambitieux qui nécessite de faire appel aux meilleurs physiciens de l'époque. En mai 1941, les savants de Tube Alloys prennent contact avec un jeune physicien allemand qui a fui son pays en 1933. Il s'appelle Klaus Fuchs. Le MI5, qui surveille le recrutement, émet d'abord des réserves en découvrant que Fuchs était dans son pays un militant communiste. Mais finalement, le contre-espionnage britannique accepte de prendre le risque. Il faut le dire, les capacités intellectuelles du jeune génie sont si exceptionnelles qu'elles le rendent indispensable. C'est ainsi que Klaus Fuchs se met avec zèle à la recherche atomique. Mais les Britanniques l'ignorent, Fuchs est resté profondément communiste. Pour lui, pas question de tenir l'allié soviétique à l'écart. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi l'Ouest n'était pas prêt à partager la bombe atomique avec Moscou. J'étais certain qu'une arme à la puissance aussi destructrice devait être à la disposition de toutes les grandes puissances, sur un plan d'égalité. Dès 1941, Klaus Fuchs, nom de code Otto, fournit aux soviétiques des centaines de pages d'informations scientifiques confidentielles. À l'été 1942, Ursula Kuczynski devient son agent de liaison. Avec Klaus Fuchs, elle s'attelle à ce qui sera la plus importante mission de sa carrière d'espionne, celle qui permettra à l'Union soviétique de fabriquer sa propre bombe. Mais à la campagne, près d'Oxford, où Ursula vit avec ses deux enfants et son mari, Len Burton, comment ses voisins pourraient imaginer que cette charmante mère de famille possède chez elle un émetteur radio illégal et qu'elle collecte des secrets militaires pour l'Union soviétique ? Plusieurs fois par mois, Ursula enfourche son vélo pour se rendre au village de Banbury, où elle a rendez-vous avec un homme. En voyant ce jeune couple, comment ne pas penser à un rendez-vous clandestin entre deux amants ? En réalité, bien sûr, cet homme, c'est Klaus Fuchs. Avec lui, elle met au point ce que dans le langage d'espion on appelle une boîte aux lettres morte. Au croisement de deux chemins, dans les racines d'un arbre, Ursula creuse un trou. C'est là qu'en cas de nécessité, ils pourront déposer des messages. Et à chaque rendez-vous, Klaus Fuchs lui fournit de nouveaux documents confidentiels. Klaus et moi ne passions jamais plus d'une demi-heure ensemble. Deux minutes auraient suffi. Mais outre le plaisir de nous voir, quelque part risquer moins d'éveiller les soupçons qu'une rencontre précipitée. Et quand on n'a pas vécu l'isolement dans lequel nous nous trouvions, on ne peut imaginer à quel point ces entrevues avec un autre camarade allemand étaient précieuses. Ursula Kuczynski avoue ne rien comprendre au contenu mathématique de ces documents. Pour moi, ce n'était que des hiéroglyphes alignés, des formules rédigées d'une écriture si minuscule qu'on aurait dit des gribouillis. Des gribouillis qu'à Moscou, Staline pourtant attend avec impatience. Côté britannique, la recherche nucléaire connaît à partir de 1942 un nouvel élan grâce à l'aide des États-Unis qui viennent d'entrer en guerre. Winston Churchill est au Québec. Pour le public, cette grande réunion de dirigeants annonce d'importants mouvements de la part des Alliés. Le monde entier attend avec impatience de grandes nouvelles. Mais une chose est sûre, c'est la constante amitié anglo-américaine qui vient d'être renouvelée sur le sol canadien. Loin des caméras et des micros, lors de cette conférence de Québec en août 1943, Churchill et Roosevelt ont conclu un accord secret qui scelle leur collaboration dans la fabrication de la bombe et qui surtout en exclut l'Union soviétique. Chose incroyable, Ursula Kuczynski, quelques jours avant d'accoucher de son troisième enfant, réussit, on ne sait comment, à se procurer une copie de l'accord ultra-secret et à en informer Moscou. Ce document confortera la méfiance de Staline à l'égard de ses alliés. En 1943, Klaus Fuchs, lui, part aux États-Unis pour y poursuivre la recherche atomique dans le cadre du projet Manhattan, tout en continuant de renseigner l'URSS. Throughout the world, throngs of people hailed the end of the war in Europe. A grateful nation gives thanks for victory. 8 mai 1945, la guerre est finie en Europe. Trois mois plus tard, les États-Unis larguent leur bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki. Mais le retour de la paix ne signifie pas pour Ursula la fin de ses activités. À la guerre gagnée contre Hitler, en succède immédiatement une autre, la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Ursula et sa famille, maintenant, sont surveillées en permanence par le contre-espionnage britannique. Courrier intercepté, téléphone sur écoute, compte en banque surveillé. En 1947, Ursula reçoit dans son cottage la visite d'un inspecteur du MI5. Thank you very much. Après lui avoir offert du thé et des scones, l'espionne en tablier de cuisine, mais formée à rude école, répond sans faiblir aux questions maladroites de l'officier, qui finit par repartir, persuadé d'avoir fait erreur. Ursula Kuczynski réussit à tenir ainsi jusqu'en 1950. L'URSS a la bombe. La première bombe soviétique en 1949 est une victoire pour Ursula. Mais quelques mois plus tard, le 3 février 1950, elle apprend avec horreur dans le journal que Klaus Fuchs, l'homme que pendant 2 ans elle a retrouvé dans des rendez-vous clandestins, vient d'être arrêté en Angleterre. C'est le programme de décryptage Venona qui, aux États-Unis, a permis de déchiffrer les messages codés soviétiques et de fil en aiguille d'identifier Fuchs. S'attendant à être arrêtée, Ursula décide du jour au lendemain de quitter l'Angleterre. Elle enterre dans le jardin l'émetteur radio, fait ses bagages, explique aux enfants qu'ils partent en vacances. Et le 27 février 1950, Ursula et sa petite famille s'envolent pour l'Allemagne. Le plus étrange, c'est que le MI5 n'a rien fait pour l'empêcher de partir. Installée en République démocratique allemande, Ursula Kuczynski renonce bientôt à l'espionnage pour se consacrer à l'écriture, des livres pour enfants, mais aussi son autobiographie qui sera un best-seller. Jusqu'au bout, elle vivra en bonne citoyenne, aveugle aux crimes de la Stasi. Consciente malgré tout d'avoir eu de la chance, contrairement à beaucoup de ses camarades. Richard Sorge, le grand amour de sa vie, qui est mort, pendu par les Japonais en 1941, sans doute après avoir été lâché par Staline. Rudy, le premier mari d'Ursula, a passé 10 ans de sa vie au goulag, sans comprendre pourquoi. En novembre 1989, le lendemain de la chute du mur, la vieille dame de 82 ans appelle en vain les manifestants berlinois à s'engager dans le parti et à construire le socialisme. En 2000, Ursula Kuczynski, alias Agent Sonia, la plus grande espionne de l'Union soviétique, meurt à l'âge de 93 ans. Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter.